Isanganiro. Évariste Ndikomanyanga. François Kimana sur la remise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, à ce journal de ce 1er février 2022, dont voici d'abord le sommaire. Deux albinos ont été sauvagement assassinés dimanche en commune Kigamba de la province Changuzo. Le président de l'association Albinos Sans Frontières appelle à la sécurisation des albinos dans le pays. Il n'y a pas de loi régissant le Conseil national de la jeunesse, même s'il s'organise des élections. De nouveaux dirigeants de ce conseil a fait savoir Eraste Nzosaba, le président sortant de ce conseil. Il a dit ce mardi au cours d'une conférence de presse. Trois bouchers opérant en commune Rutovu de la province Bururi sont dans les mains de la police depuis ce lundi soir. La police les accuse d'avoir vendu de viande avariée dont l'origine est douteuse. Et dans la chronique santé de ce mardi, l'on vous parle des signes dits sympathiques de la grossesse qui diffère d'une femme à l'autre. François Kimana assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Parlons rapatriement. Plus de 380 réfugiés burundais en provenance de Nakival en Ouganda ont été rapatriés et accueillis à Kobero en province Muyinga. Ce lundi, par le Haut Commissariat des réfugiés et des réfugiés HCR, ces rapatriés se réjouissent de leur retour au pays natal. Nestor Bimenyimana, directeur général chargé du rapatriement au ministère de l'Intérieur, appelle ces Burundais à sauvegarder la paix et la sécurité dans leur localité d'accueil. Le représentant du Haut Commissariat invite les rapatriés à la cohabitation de leur intégration. Le détail avec Lydie Gahimbare qui a effectué ce déplacement à Muyinga. Ces Burundais rapatriés ont été accueillis à Kobero, sur la frontière entre le Burundi et la Tanzanie. Après cela, ils ont été convoyés vers le site de transit Kinazi. Après le test COVID-19, ces rapatriés ont reçu un paquet retour des vivres et de non-vivres qui les aideront dans leur intégration durant les trois premiers mois. Ils ont exprimé la joie de retrouver leur Berkay. Franchement, je suis heureuse de regagner mon pays natal. J'ai passé la nuit à la Belle Étoile car j'étais déjà informée que nous allons rentrer. Je demande à mes frères et sœurs qui sont encore à l'étranger de retourner dans leur pays. Nous sommes bien accueillis et nous en sommes témoins. Nestor Menimana, directeur général chargé du rapatriement au ministère de l'Intérieur, les a appelés à maintenir la paix, la sécurité et d'apporter leur contribution dans le développement du pays. Pour le développement du pays, le message a été lancé à nos frères et sœurs rapatriés. C'est vraiment de sauvegarder la paix et la sécurité qui règne sur tous les territoires nationaux. Il ne faut jamais qu'un rapatrié puisse être à la source de l'insécurité. Ils y sont vraiment à l'œuvre pour le pays et pour stabiliser le pays. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Abdul Kalim Gul, invite les rapatriés à contribuer à leur intégration. Maintenant, vous êtes chez vous, dans votre pays, et vous devez contribuer à votre réintégration. Jouer un rôle essentiel dans cet effort, parce que le retour, c'est le début. L'Union européenne et le HCR ont signé également un projet de 8 millions d'euros pour les activités de protection et d'assistance aux rapatriés burundais. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, Claude Bochu, a visité également le camp de réfugiés congolais à Moussassa, Muyinga. Lydie Gahimbare pour la Radio Isanganiro. Lydie Gahimbare, restons au nord du pays, cette fois-ci en province Ngozi, où il y a grogne des habitants du quartier Kinyami, proche de la prison pour hommes de Ngozi, à cause de déchets humains déversés par des prisonniers, puis conduits par une rigole jusqu'au marais de Kimanga. Ces citoyens craignent déjà des maladies et demandent une intervention rapide des autorités habilitées avant qu'il ne soit tard. Désiré Ndaïsaba, chargé de l'hygiène et de l'assainissement à Ngozi, dit être au courant de cette situation. Il affirme avoir contacté les concernés pour trouver remède à ce problème. Les détails avec Apollinaire Mutsagara. Les fosses septiques de cette prison sont pour le moment débordées de matières fécales vers urine provenant de cette maison de détention, débordent et font tache d'huile avant de couler dans une rigole conduisant jusque dans le marais de Viegua, marais qui abrite une des sources d'eau alimentant une partie des ménages de la ville d'Ongoz. Une odeur suffocante menace les habitants des environs. Ils craignent des maladies des mains sales comme la dysenterie, la fièvre typhoïde et les maladies respiratoires, particulièrement durant cette saison pluvieuse. Pire encore, des fois, selon ses habitants, des enfants jouent dans ces eaux usées contenant ces déchets. Si rien n'est fait dans les plus brefs délais, disent-ils, ces maladies ne tarderont pas à les attaquer. Le responsable provincial d'hygiène et assainissement s'est déjà rendu sur les lieux et dit avoir fait le même constat. Désiré Ndaïsaba affirme déjà avoir contacté la direction de cette maison de détention et pour voir comment faire face à cette menace. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganis. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Donc, Ngozi, rendons-nous au sud du pays, je vous le disais en titre. Trois bouchers opérant à Chinyundo, sur la colline Mutangaro de la commune Rutovu, en province Bururi, sont dans les mains de la police depuis le soir de ce lundi. Leur arrestation est intervenue au terme d'une réunion de sécurité de ce lundi à Rutovu, les détails avec Jean-Pierre Misago. L'administrateur communal de Rutovu a décidé de mettre au cachot tous ces trois hommes après des accusations publiques portées contre eux par Ariela Niomungere, chef culinaire de Mutangaro où il y preste, qu'il y vende deux fois de la viande pourrie. Ce chef culinaire dit avoir fait elle-même le constat sur alerte de ceux qui étanchaient leur soif dans des bistrots d'à côté, qui ne pouvaient plus supporter une odeur nauséabonde, se dégageant de cette viande que ces bouchers servaient. Et ce responsable culinaire a stoppé immédiatement la vente de cette viande, une décision qui a provoqué des remous chez ses bouchers. José Tendai Keza, administrateur communal de Rutovu qui a ordonné leur arrestation, dit qu'aucune autorité responsable ne peut fermer les yeux face à cette situation et ses bouchers doivent répondre de leurs actes. Cette autorité dit qu'elle va collaborer avec les agents communautaires de santé animale pour exiger la consommation de la viande préalablement examinée afin de préserver la santé de la population, mais également lutter contre le vol du petit bétail dans cette commune. Deux semaines venaient de s'écouler que cette viande à l'origine de ces arrestations était vendue à Chinyundo, selon l'administration culinaire. Jean-Pierre Misago de Rutovu, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Je vous le disais également en titre. Deux albinos ont été atrocement assassinés ce dimanche à Kigamba, en province de Tchangouzo. Anissé Bangirinama, représentant légal de l'association Albinos Sans Frontières, déplore cet acte ignoble et appelle les Burundais à couper court aux croyances fétichistes liés à l'albinisme et à renforcer la sécurité des albinos. On écoute Anissé Bangirinama au micro de Jean de Dieu Irakote. C'est vraiment regrettable pour la situation qui est arrivée à la famille et communauté des albinos et des minorités au Burundi, plus particulièrement et la communauté des albinos. Et tout le monde a appris que dans la journée de dimanche, il y a une portée disparue d'un enfant qui s'appelle Abdur de la commune Ntahangwa, plus précisément à Kinama. Cet enfant a été une portée disparue. Il a été emporté par les malfaiteurs avec la voiture marque taxi. Et tout le monde n'a pas appris que c'est la forme d'une escroquerie ou qu'ils veulent le tuer comme d'habitude depuis 2008. Mais avec les heures qui ont passé, les parents ont constaté que l'enfant a disparu pour des raisons de fétiche que nous parlions depuis 2008. On a trouvé les os en province Tchanguzo, plus précisément en commune Kigamba, où il y avait aussi une coïncidence d'une dame de la même commune qui a été attaquée et kidnappée par les malfaiteurs. Mais heureusement, la police, en collaboration avec l'administration locale et d'autres personnes, ils ont pu attraper des malfaiteurs qui ont procédé à cette massacre. Et c'est pourquoi nous saluons de façon incontournable la force de la police qui a été utilisée pour pouvoir attraper ces malfaiteurs d'ici 24 heures après le massacre. massacre. Nous avons accueilli de façon malheureuse la situation parce que la communauté des albinos compte peu de personnes. Vous voyez, avoir tué le même jour des albinos dans une famille pareille, vous voyez que c'est une catégorie qui peut être vite parie si rien n'est fait. C'est pourquoi nous avons été vraiment choqués d'une manière extrême d'avoir perdu des individus qui étaient en bon état pour des raisons de fétiche initiées par nos frères et sœurs burundais. La sécurité des albinos doit être assurée en premier lieu par les albinos eux-mêmes, en deuxième lieu par l'environnement ou l'entourage, parce qu'une seule personne qui habite dans une colline ou dans une localité ou dans un quartier dans les centres urbains, l'environnement ou l'entourage peut assurer exactement la sécurité de cet individu. En plus de cela, et je voudrais dire que pour que ces massacres soient arrêtés de façon définitive, il faut que le président de la République du Burundi décide de mettre dans les organes de décision les albinos compétents qui peuvent intervenir dans la prise de décision au moment où ils attrapent un malfaiteur qui a kidnappé ou massacré un albinos. Minutes au sud de la radio Isanganiro, page société à présent. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, conseille la jeunesse de la ville de Bujumbura de s'adonner aux travaux de développement. C'était ce samedi lors d'une séance de moralisation des jeunes du centre Jeune Kamenge sous le thème de la planification des projets. Le chef de l'État donne la priorité aux jeunes car, dit-il, la jeunesse, c'est la richesse du pays. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Certains de jeunes qui ont bénéficié des formations dans la planification des projets au centre Jeune Kamenge signalent qu'ils ont atteint un grand pas grâce à ces formations. Ils ont dit que les moyens insuffisants pour évoluer figurent parmi les défis rencontrés et ont demandé au chef de l'État de les soutenir. Je suis l'un des jeunes formés par le centre Jeune Kamenge et j'ai commencé mon projet de fabriquer les sachets biodégradables en papier. J'ai suivi la formation au centre jeune et j'ai appris comment fabriquer les objets pour le décor. Ceci est fabriqué à partir de bouteilles en plastique. Tu peux l'utiliser dans le bureau en y mettant en l'intérieur les stylos. J'ai commencé avec une somme de 5000 francs. Aujourd'hui, j'arrive à 200 000. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, appelle la jeunesse de la mairie de Bujumbura de s'adonner aux activités de développement pour lutter contre le chômage. La richesse qu'on a se trouve dans la jeunesse. Au Burundi, plus de 60% sont des jeunes et si tous les jeunes se lèvent, on n'entendra plus ceux qui disent que nous sommes pauvres. Ce sera fini avec la pauvreté quand nous allons nous lever tous. J'ai pris la décision de travailler avec la jeunesse jusqu'au jour où vous aurez mon âge et qu'il n'y aura plus personne qui dit que le Burundi est pauvre. Et cela est possible. Nous voulons que vous changiez de mentalité. Pensez à l'avenir du pays. C'est pourquoi je m'intéresse à la jeunesse. Ici, dans la ville de Bujumbura, vous devrez être vigilant. Sinon, le pays n'atteindra pas son développement parce qu'ici, il y a la richesse. Tenez, un jeune citadin qui a fait le primaire et le comparer avec un fonctionnaire de l'intérieur du pays, vous trouverez qu'ils ont la même capacité intellectuelle. Cela veut dire qu'en ville, il y a ceux qui sont intelligents, qui savent comment s'organiser, car ils ne peuvent pas vivre sans être intelligents. Si nous exploitons cette intelligence de la jeunesse, nous atteindrons le développement. Plus de 48 milliards de francs burundais ont été octroyés au programme PAEJ pour appuyer dans les projets des jeunes. Parlons toujours société, même si le processus d'élection de nouveaux organes du Conseil national de la jeunesse est en cours. Aucune loi ne régit cet organe. C'est confirmé par Rastenzo Saba, président sortant du Conseil national des jeunes lors de la conférence de presse de ce mardi. Selon lui, même la tranche d'âge est considérée pour les candidats membres de ce conseil pose problème. Et Rastenzo Saba se réjouit cependant des réalisations du Conseil national de la jeunesse au cours de son mandat. Les détails avec Eline Benivikit. Depuis que ce conseil a été mis en place, il n'a jamais été régi par une loi. Durant 5 ans de son mandat, Rastenzo Saba, président sortant de cet organe, dit avoir relevé d'autres défis, surtout financiers, ce qui met en cause l'indépendance du Conseil national de la jeunesse. Le principal défi que nous pouvons relever est que si vous analysez bien, le président du conseil n'a droit à aucune rémunération. Les fonds alloués à ce conseil sont minimes. Ces derniers, prévus par l'État, sont de 14 millions par an. Et la gestion de ces fonds ne dépend pas de ce conseil. Cependant, Iras Tenzosaba se réjouit des réalisations de son conseil sous son mandat et surtout le rapprochement des jeunes qui s'étaient divisés lors des manifestations de 2015. En grande partie, l'objectif était de rassembler la jeunesse après les manifestations. L'autre visée que nous avions, c'était de sortir la jeunesse de la pauvreté. C'est dans cette optique qu'est né plusieurs projets de la jeunesse, dont celui du PAEJ. Concernant les prochaines élections de nouveaux organes du Conseil national de la jeunesse, Erasto Nzosaba, président sortant de ce conseil, relève quelques irrégularités. L'âge, considéré par la commission des élections pour les candidats, n'est pas du tout adéquat et bloque parfois le pays dans les compétitions des organes des jeunes au niveau international. Cela va bloquer le pays s'il veut compétir avec les conseils des jeunes des autres pays. Celui qui va diriger le conseil et qui a 40 ans aura 45 ans à la fin de son mandat. S'il le renouvelle, il va terminer donc le deuxième mandat à 50 ans. Et diriger la jeunesse à 50 ans va faire perdre l'espoir à la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse a été mis en place en 2008 et ses organes ont été renouvelés en 2016, précise Erasto Nzosaba, président sortant du Conseil national de la jeunesse, qui demande la mise en place du texte régissant son conseil avant la tenue de ces élections. Radio Isanganiro, chronique santé. Les signes dits sympathiques de la grossesse diffèrent d'une femme à une autre. Ces signes sont notamment les troubles de l'humeur et la nausée, comme le précise le gynécologue Innocent Ndaikunda. Ces signes commencent à s'observer à un mois de la grossesse et peuvent aussi se présenter chez les hommes dont les femmes sont enceintes suite à leur psychologie, ajoute docteur Innocent Ndaikunda. Les détails dans cette chronique avec Cornelia Mucho. Les symptômes de la grossesse ou les signes sympathiques de la grossesse apparaissent à la sixième semaine, c'est-à-dire à un mois de la grossesse. Le gynécologue Innocent Ndaikunda précise que ces signes disparaissent souvent à trois mois et demi de la grossesse pour revenir chez certaines femmes à huit mois. Une sensation de fatigue anormale ou une sorte de somnolence sur certains de ces signes. Ils comprennent entre autres des troubles digestifs comme l'hypercéalorie, c'est-à-dire le fait que la femme crache beaucoup de salive, qui a un goût qui est modifié, désagréable. Ces signes aussi comprennent des troubles digestifs à type de régurgitation, c'est-à-dire un reflux d'une sorte de liquide qui est acide et âcre. Ces signes aussi peuvent s'annoncer par des nausées et des vomissements parfois incurables. Ces femmes aussi, surtout et surtout, présentent des troubles de l'humeur, c'est-à-dire ces femmes sont très irritables. Ce sont des femmes qui sont vraiment très, très, très nerveuses. Et heureusement que dans deux ou trois mois, ces signes vont disparaître. Le bouleversement hormonal est la cause de l'apparition de signes sympathiques chez les femmes enceintes. Des fois, ces signes s'observent également chez les hommes dont leurs femmes sont enceintes. On voit des maris dont les femmes sont enceintes et qui accompagnent de façon inconsciente leurs épouses dans ce processus de grossesse. Et le psychologique du mari aura tendance à s'approprier la grossesse. Et ces hommes ont une psychologie qui est très fragile. Ils vont croire qu'ils ne seront pas capables d'assumer le rôle de père, mais on aura à voir des hommes qui vomissent, qui font une diarrhée, qui font des régurgitations, qui mangent comme leur femme, à leur rythme. Et tout cela a été regroupé dans un syndrome qu'on appelle syndrome de la couvade. Et c'est ce seul mari qui, leur femme, les appelle parce qu'ils sont en train de vomir. Et le mari, au lieu d'amener un verre d'eau, aura tendance à vomir aussi comme sa femme. Docteur Innocent Ndaikunda précise que ces signes varient en fonction de plusieurs facteurs. On a remarqué que les femmes citadines présentent de façon plus accrue ces signes par rapport aux femmes qui sont dans les campagnes. Il y a le facteur psychologique parce que ces femmes sentent qu'elles sont déjà enceintes. Et quand elles savent qu'elles sont déjà enceintes, elles commencent à scruter l'évolution de leur grossesse. Et chaque fois qu'elles y pensent, elles découvrent de nouveaux signes et qu'elles vont essayer d'amplifier psychologiquement, vraiment de façon inconsciente, c'est pas vraiment leur faute. Et ces signes aussi varient en fonction du fait que la grossesse est la première, la deuxième, la troisième. Ça varie aussi en fonction de l'évolution des grossesses antérieures. Si c'est une femme qui a déjà fait plusieurs avortements, la grossesse actuelle qui fait ces signes sympathiques, qui évolue normalement, va présenter des signes sympathiques de façon très accrue parce que le psychologique de la femme a tendance à craindre que la grossesse actuelle fasse une fausse couche comme les précédentes. Ce gynécologue donnera des conseils en rapport avec ces signes sympathiques de la grossesse dans notre prochaine chronique santé. C'est sur cette chronique santé que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana qui était de l'autre côté de la vitrine à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikouwainanga. Bonne suite des programmes sur Sanganiso.